بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية في اليمن. أنا plaisir de vous présenter تفسير سورة الفاتحة. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 3. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال وفيها إثبات البعث مالك يوم الدين، أي قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين فيها إثبات البعث، والبعث هو القيام من القبور، فمالك يوم الدين أي أن الله سبحانه وتعالى مالك هذا اليوم، يوم الدين أي يوم القيامة. فالآية فيها دليل أن الله سبحانه وتعالى سيبعث المخلوقات. عليكم السلام. قال ويوم الدين هو يوم الحساب، لأن الدين هنا بمعنى معناها الحساب، مالك يوم الدين أي يوم الحساب. قال ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي بيوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم. فهذا سوى بوس المؤمن، عليكم السلام، سوى بوس المؤمن إذا فهم هذه الآية مالك يوم الدين أن يستعد لذلك اليوم، لأنه يسي بسورة الفاتحة، يسي أنه يججي إلو غادي كونت أغنط مالك يوم الدين. أنت دكتلي الآية شكوبخو أن هذا اليوم إلى مالك، أن هذا اليوم تسوغا ججي، أن هذا اليوم تسكرا تغفي دو بيان تلو فيغا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المسلم سبيخس هذا يوميا إلى غفل الآخرة في الصباح، ثم في الظهر، ثم في العصر، ثم في وقت المغرب، ثم في الليل العشاء، دائما يسغفل أنه إلى غد يكون تغن مالك يوم الدين. سأبرمي دائما المسلم دو غاردي ان ليان افيك الآخرة، يسأل هذه الحياة الدنيا كما قال، كما وصف الله سبحانه وتعالى متاع الغرور، سي با اون شوز كي با ريستي ابدا ابدا، سي متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. فهو دائما يس بريبار لهذا اليوم، واحسن واعظم ما يجده المؤمن يوم القيامة عمله بالتوحيد، اعظم ما يجد، لان في هذا اليوم يوم الدين، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحساب الحاقة، كما تعلمون ليوم القيامة المؤمن يسخصوه بإذن الله عز وجل avec son توحيد. La chose la plus importante qu'on prépare لهذا اليوم التوحيد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي هذا اليوم كما في الآية كما نتسيته أن ni les biens ni les enfants ni la tribu ni les proches personne ne pourra être utile illa celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un qalb salim salim min al-shirk salim min al-kufr. هذا الله سبحانه وتعالى قال في شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي الله سبحانه وتعالى يمضف في الآية أن الله سبحانه وتعالى يبعدنا سلويك في باتشرك سيفه سبحانه وتعالى. وفي القرآن كثيرا دي فيرسيس يوم القيامة كثيرا، بل دي سور سورة القيامة دائما الله سبحانه وتعالى يتغفل أيها المؤمن أن هذه الدنيا سبا دار قرار شبا لا كده لابد on a jamais vu une personne qui meurt pas أبدا دائما إما يمر jeune إما يمر vieux لابد la personne elle meurt لابد ça c'est اتفاق بين المسلم والكافر اتفاق بين العقلاء أن tout le monde meurt tout le monde meurt. فأيها المسلم أنت tu sais أن يوم سيأتي يوم تبقى فارق هذه الدنيا المسلم تين عقيدة أن هذا اليوم سيوم الدين كما قال عز وجل مالك يوم الدين تين عقيدة أنك تغضر دي كونت تين عقيدة أنك تسخجي كما يعتقد بعض الكفار أن يمر سفيني خلاص لا المسلم يسي تخي بيان كو ديك يمر سي كو الكومونسمون اي لو غادي كونت ا روم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا قال وفيها الرد اي الايه او السوره اي قوله الى باسيت الفيرس لكن يشير حفظه الله الى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشير الى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين المسلم quand il récite cette sourate il fait un dua ان الله سبحانه وتعالى il guide il a guidé لابد تكون كما قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم c'est ça la guide صراط هؤلاء فلا guide c'est pas ce que tu penses انت ou ce que tu crois انت لا la guide c'est هذا الصراط صراط الذين انعم الله عليهم dans l'autre ayah الله سبحانه وتعالى explique من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين c'est ça صراط المستقيم c'est صراط الانبياء c'est طريق الصادقين الصالحين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة c'est ça صراط المستقيم فالمسلم في هذه السورة العظيمة يدعو دعاء مسألة comme on a expliqué hier il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide على هذا الصراط صراط المستقيم et en même temps ou après ce دعاء il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'éloigne صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال et demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il écarte deux choses صراط الذين غضب الله عليهم وصراط الضالين فالآن tu vas avoir trois صراط ou tu vas avoir trois voies الصراط المستقيم et les autres voies c'est des voies d'égarement فالصراط المستقيم واضح le chemin des prophètes la sunnah le Coran التوحيد tout ça c'est صراط المستقيم je ne fais pas une chose sans que j'ai une preuve, sans que j'ai un argument, mais dans le kitab ou dans le sunnah. C'est ça le sirat mustaqim. Et ce sirat, il est fondé à l'ilm. Thomas, tu vas avoir des autres voies. Et dans le Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux voies principales d'égarement. Tariq al-maghdoub alayhim ou tariq al-dhali. Le chemin de ceux qui ont ghadib Allah alayhim, Allah il est en colère contre eux. Et le chemin al-dhali. Ha'oula kadhalik, Allah il est en colère contre eux. Et ceux qu'Allah il a en colère contre eux, كذلك, ils sont dallun, c'est des égarés. Al-an, tu as deux chemins d'égarement, tu as deux voies principales. C'est le surat al-Fatiha. Et tu vas trouver qu'Ahl al-Dalal, imma il sera dans cette tariqa, al-Maghdoub alayhim, imma il sera dans l'autre tariqa, al-Dallun. Tu trouveras daiman. S'il n'est pas sur surat al-Mustaqim, imma il sera fi hadi, imma fi hadi. Qala. الشيخ فوزان الآن يبقى نزيكسبيكي هذه الطرق قال وفيها الرد على اليهود وهم المغضوب عليهم ومن صار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه ça c'est la première voie المغضوب عليهم et à la tête de هؤلاء qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre eux اليهود eux c'est la tête de cette voie d'égarement والعياذ بالله اليهود cette voie il l'a expliqué الشيخ فوزان قال ومن صار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه c'est ça طريق المغضوب عليهم c'est une voie d'égarement أن la personne il sait يعرف يعلم il sait très bien بيقين أنه il est à la باطل لكن il a العلم لكن لا يعمل به il reste sur son باطل هذا ça provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala فتعلمون أن اليهود قاتلهم الله يعرفون ويعلمون أن سنبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سحق يساب كل قرآن سحق يساب هذا كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يساب كل الحق هذا النبي هذا القرآن يساب كم كم يغوكو نسل أبنائهم يغوكو نسل بروفيت سو قرآن كسحق كم يغوكو نسل أبنائهم لكن اليهود تتخوغا يقوم الإسلام بعناد فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم هذا c'est pas khas bil yahoud فلهذا قال الشيخ فوزان ومن صار على نهجهم tous ceux qui ont du ilm et qui l'appliquent pas هؤلاء ils rentrent في الآية ça veut pas dire que c'est les kuffar là ça veut pas dire que c'est des kuffars si c'est un musulman. Lakin, il a cette sifa. Il a les moyens, il a la capacité. Allah il lui a facilité et il n'applique pas. Ça te montre l'importance d'appliquer. Et ça te montre que ce ilm, ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas on étudie pour avoir un diplôme. Faqat. Là, des sciences religieuses, l'ilm shar'i, c'est l'il'amal. Ce n'est pas pour un diplôme, ce n'est pas pour dunya, ce n'est pas pour une place. Abadan. Abadan. Là, la personne ya'lam, ou yata'allam, liya'mal. كما قال الإمام البخاري العلم قبل القول والعمل قال وفيها la première voie on a fini première voie غير المغضوب عليهم أي tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'écarte de هؤلاء ou qui te préserve de هؤلاء لكن si tu demandes comme on l'a expliqué hier tu dois faire les sebebs t'apprends et t'appliques et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à t'offrir et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'écarte de هؤلاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب قال وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى دوزيام سم الجهال ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala لكن على غير هدى les autres ils connaissent le haq لكن ils veulent pas appliquer هؤلاء ils appliquent لكن ils sont على الجهل مثل النصارى la tête de cette voile الان ça va être النصارى النصارى c'est des جهال من كثرة جهلهم أنهم يبونس كالله إلى أنفان يبونس كثير من الخرافات في دين النصارى حتى لو دين الآن إلى على باطل حرفوه وبدلوه كذلك tous ceux qui se caractérisent avec هذا il adore Allah son علم هذا سنضل et il a une ressemblance avec النصارى celui qui a du علم et qui applique pas il a une ressemblance avec les يهود même si c'est un musulman, s'il a du tawhid, lakin, il sait des choses et il ne les applique pas. Alors que c'est des choses obligatoires. Alors il sait que c'est interdit et il le fait. Hada, il a une ressemblance avec les Yahoud. Et hada, cette chose qu'il fait, ce amal, Allah, il peut se mettre en colère contre lui. Bihada, comme il s'est mis en colère contre les Yahoud. Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala bila ilm, il a une ressemblance avec haoula al-dullah, al-nasara. Qala fa fiha al-rad. على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيرهم لأن الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى je trouvera أن المبتدع ils ont une ressemblance avec les النصارى avec les chrétiens أنهم يعبدون الله ils veulent adorer الله سبحانه وتعالى لكن بلا علم هذا il invente une salat هذا il invente un siyam هذا il invente un dhikr هذا il invente un fikr une pensée une croyance batila وهكذا تشبه من النصارى أما المسلم الصالح qui déteste le bid'a il applique le verset qu'il lit tous les jours اهدنا الصراط المستقيم فتستفيد أنت من الآية أن dès que tu as un عمل à faire tu demandes Si tu ne sais pas, est-ce que ce amal il est à la surat al-mustaqim? Est-ce que le prophète alayhi salam il l'a fait? Est-ce que les compagnons ils l'ont fait? Amma si personne ne l'a fait, c'est un amal. Il n'est pas fait le kitab, il n'est pas fait le sunnah. Fala yajouz lak. Si tu le fais bila ilm, tu as ressemblé à Nassara. Ou anta la yajouz lak. Lianna, fil fatiha, tu demandes à Allah qui t'écarte de haoula. Ghayri al-maghdoubi alayhim ou al-dallin. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve, qui t'écarte du chemin de haoula. Enfin, tu n'as pas le droit anta de demander et tu te contredis, tu fais comme eux. Là, tu demandes et tu fais les sabbats, tu t'écartes. C'est une surah azim. Si chaque musulman il connaît le sens et il l'applique, tu trouveras annahum ils seront à la khayr. Tu trouveras ça sera un mouahid, il adore Allah seul et tu trouveras il adorera Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète alayhi salam. Tout les détails, il les prendra des autres textes. Comment faire salat, comment faire kadak. Mais surah al-Fatiha, on a dit, elle englobe din de façon générale. Elle te montre. Après les détails l'akhirah, t'as le Coran, t'as le Sunnah, t'as les fatwas des savants, il est akhirah. Mais on dort. Cette surah, le manhaj, comme elle te montre. Elle va te montrer al-wala ou al-bara. Si tu demandes qu'Allah t'écarte de haoula, al-yahoud, et ceux qui ressemblent à l'Yahoud, al-Nasara, et ceux qui ressemblent, qui suivent al-Nasara, ça va te montrer al-Nahoud, tu vas avoir un bara. Tu vas les détester, fillah. Lianna, ils sont à la batil. Et toi, tu détestes le batil. Et tu détestes le batil. Qala Cheikh al-Fawzan, fal-Nasara wal-Mubtadi'a wal-Khurafiyoun. Khurafiyoun, ashab al-Khurafat. والخرافه معروف سي دي زيستوار دي دي رومور دي كذا قيل قال هذه سي الخرافه اي اون شوز كي با بازي سور الكتاب والسنه il invente comme il se base sur un rêve il se base sur une histoire inventée il se base هؤلاء اصحاب خرافات اما المسلم il doit pas suivre les khurafat les histoires les rumeurs les inventions ابدا المسلم يسوي الكتاب والسنه il suit الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. قال كلهم يدخلون تحت الضالين لأنهم يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. تتصبوا العلماء يديز أن المغضوب عليهم اليهود والنصارى والضالون النصارى هذا حق لا ريب فيه, لكن كذلك ceux qui les suivent ils ont une partie, ils ont une partie de cet égarement et ils ont une partie de cette colère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre eux. Ils ont une partie chacun selon son égarement. Si c'est un musulman ça reste un musulman, لكن il a cet égarement s'il adore Allah sans ilm tant qu'il ne contredit pas son islam. قال كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعملون بأهوائهم ويحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق على أهوائهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود وكل من صار على نهجهم. نعم. قال فيها الرد على علماء الضلال. تستفيد من هذا أن العلماء يسوا على قسمين, علماء الحق وعلماء السنة. Il a du ilm et il applique et il appelle à ce ilm. Hada alim sunnah, hada alim huda, hada tu vas trouver, ça va être comme un nour pour l'ummah. Où qu'il va, tu trouveras bi'innillah subhanahu wa ta'ala, il y aura des fruits, les fruits de son ilm. Tu vas trouver une deuxième catégorie, ulama al-dhalal. Il a du ilm, ou il prétend avoir du ilm, lakin, imma il n'applique pas. إما يكونتخدي سوء علم إما يكون بعلماء الحق هذا تبا تخبه أنه عالم ضلل أو إلا تخبخت للتكست تصافصه إلا دو علم إلا لغاب للنغة غاب يكون الحديد يكون القرآن إلى آخره لكن سا عالم ضلل سبا عامي عامي سبا ليغي سبا يكخير إلى آخره لا لا لكن سا عالم إلا دو علم لكن عالم ضلل. لماذا؟ لأنه لا بلق بسوء علم. Et لماذا لأن العلم هذا il l'emploie هو pour secourir son madhab ou pour suivre ses passions. هذا c'est un علم ضلال. هذا العلم il doit éduquer la personne. C'est pour ça que tu trouves علماء السنة c'est les personnes qui ont le meilleur comportement après الأنبياء والصحابة. Tu trouves c'est les personnes qui ont le meilleur comportement لأن العلم il les a éduqués. Tu trouves un علم ضلال تتعجب من تصرفاته. Tu peux trouver un عالم ضلال il a du علم الآخر sa vie de tous les jours بدع ومعاصي وخرافات. هذا العلم il n'a pas éduqué الآن. هذا العلم الآن ça sera une hutte contre lui. مثل اليهود ils ont des connaissances لكن ils se contredisent ليل نهار. قال الشيخ الفوزان il a cité علماء الضلال, il a cité des caractéristiques. يحرفون الكلم عن مواضعه. Il connaît quoi le verset. Et c'est ça la différence avec un jahil. C'est pour ça qu'il appelle alim. Il connaît maintenant le texte. Al jahil, il ne connaît pas. Tu peux trouver par l'awam maintenant. Il ne connaît pas le texte. Ouais, il va connaître. Maintenant, par l'awam, il ne connaît pas le dalil. An Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Ou an Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. أدلة الصفات بعض العوام اللي كنا نسمعه مساكين ولو اللي لفرسة يسيبا كسان دليل على هذا سان جاهل مسكين عالم الضلال يسي تخبيا يسي لفرسة سكي بدي لكن كيس كيف يحرفون الكلم عن مواضعه فيك سفرسة هو إلي با داكور هو سو مذهب c'est qu'Allah il n'a pas d'attribut. Qu'est-ce qu'il fait? Il va déformer le verset. Il va dire bal yadahu mabsutatan, il va dire al-quwwa. Il va dire al-qudra. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il montre qu'il a deux mains, bal yadahu mabsutatan. Huwa il va dire la, c'est al-qudra. Allah il a voulu dire al-qudra. Sifat al-kalam kadhalik, sifat al-wajh, sifat al-istiwa, كثير. Fa parmi les caractéristiques du alim dalal, annahu il déforme le texte. تستفيد أيها المسلم quand t'as un texte tu le déformes pas par rapport à ta hawa, tu le déformes pas, t'as pas le droit. أنت مثلا les versets de الصفات بل يداه مبسوطة, tu dois regarder salaf qu'est-ce qu'ils ont dit. Salaf, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab, comment il a compris l'aya Abu Bakr al-Siddiq, comment il a compris l'aya l'imam Malik, l'imam Ahmed ou hakada. Anna huwa il veut comprendre là, il a une shubha. أن سيدك الله إلى دماء يغصم له كراتور cette شبهة الليقار il dit là je peux pas dire qu'il a دماء Allah il a sûrement voulu dire كذا ce sûrement que tu dis c'est pas du علم لا Allah il a sûrement كذا il a voulu لا لا لا لا qu'est-ce qu'ils ont dit سلف ce qu'ils ont dit سلف ça sera الحق أما si tu خالف هؤلاء فتتقاقى لا شك لأن هؤلاء ils avaient plus de ilm que nous, ils aimaient le prophète plus que nous, ils sont venus avant nous. C'est eux qui nous ont emmené ce dîn, mais idnillah azza wa jal. فكيف أنت تبيع إتلي خالف من صفاتهم كذلك قال ويعملون بأهوائهم يعمل بقابق سهواء un jour si ça l'arrange il dira c'est حق un jour si ça l'arrange plus il dira c'est باطل هوا il est pas منضبط بالكتاب والسنة لا سهواء سهواء ils sont nefs c'est pour ça que tu trouves هؤلاء ils se contredisent beaucoup un jour dès que ça va bien il dira quelque chose un autre jour dès qu'il y aura de la shidda il y aura maintenant une épreuve, il y aura kada, tu verras qu'il changera facilement. C'est pour ça que tu trouves Haoula, un jour il est kada, un jour il est aqidat kada, ils savent plus trop où ils sont. Amma alim sunna la, sahawa il la met de côté et il suit le haq et il patiente. Qal kadalik wa yuharrifuna an-nusus wa yu'awwiluna ala ghayr muradillah. Ça revient à tahrif al-kalam qu'on a cité. Qala li tatawafaq ala ahwa'ihim wa fi muqaddimat Haoula al-Yahoud wa kullu man sar ala nahdi. مقدمة هؤلاء اليهود وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قصة الرجم تتخوف هذا تتخوف هذا بوضوح أن أحد اليهود إلى في الزنا على الوقت دي بروفيت عليه الصلاة والسلام في المدينة فالبروفيت صلى الله عليه وسلم إلى فولي أبليكي الحد sur lui أي لا sanction أنه يرجم c'est une personne il s'est déjà marié il a fait الزنا في دين الإسلام sa sanction c'est qu'il se fasse lapider دين الحق ولو كره الكافرون حتى بعض الناس الآن إذا طن مثال الكلام يدي سيد لا بغباغي سكذا سيدين الحق سيرات المستقيم أما هؤلاء يسفي سهوى للأسف الكافر سواضح الإسلام للأسف بعض المسلمين الآن يسفوتوا شبه هذا لا حكم شرعي سيسا سيرات المستقيم إسكو لدي أدلة أن البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى دجال أبيدي نعم le hadith comment c'était le hadith d'Abdillah ibn Salam le hadith kathir في البخاري في مسلم on n'a pas le droit de notre hawa ou on a peur des kuffar ou si on dit ça ils vont dire qu'on est des barbares laisse les dire وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ tant que tu ne les suivras pas ils ne seront pas d'accord un jour ils vont dire barbares un jour ils vont dire fondamentalistes un jour d'aïman ils te combattront حتى tu suis leur dit maintenant la qissa d'Abdillah ibn Salam ça va te montrer balal les yahoud annahum ils savent très bien hum ayat ar-rajm ils la connaissent ça te prouve qu'ils ont du ilm lakin andur légalement le nabi sallallahu alayhi wa sallam il parle à ces Yahoudis, un d'eux va se lapider l'un. Et il leur dit, qu'est-ce qu'elle dit Torah ? Leur livre, à Torah. Qu'est-ce qu'elle dit à Torah pour celui qui fait le zina ? Wahed, il dit, il invente une chose. Hawa, il sait très bien. Lakin, wal'iyadu billah, c'est passion. Il a dit, il a inventé une chose. Lakin, dans l'assise, il y avait Abdullah ibn Salam. Il était juif avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé à l'islam, c'est devenu un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était présent. Il a dit, kadabta. Andur sahabi, il a été élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, kadabta, tu mens. Tu mens, tu suis ta hawa l'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, emmenez Taura. Allez chercher Taura. Ils ont été chercher Taura. Wahid minhum, il a commencé à réciter. Il a commencé à réciter le passage et il a mis sa main. Andur. Dalal et il est bête. Car là où personne ne le voit, il met sa main. الظلال سارمبت كيف تمت عمال الرسول en face de toi عبد الله بن سلام des montants في العلم تظن ils vont te regarder هكذا il lit et il met sa main فعبد الله بن سلام il lui a dit رفع يدك pourquoi parce que عبد الله بن سلام il connaît Taura c'est un juif il sait très bien que le verset d'Ar-Rajm il va arriver il a enlevé sa main et il y avait ayat Ar-Rajm الآن cet exemple il vaut trop bien علماء الظلال un jahl non peut-être qu'il ne connaît pas un jahl tu vas le dire Ar-Rajm il ne connaît pas Miskin il ne sait pas avoir il a entendu des rumeurs il va dire là ça n'existe pas celui-là montre-lui s'il veut le haq il acceptera je dis là akhi قال الله كذا le prophète il a dit كذا il a akhi lakin alim dalal il sait très bien il sait il connaît peut-être le verset mieux que toi lakin il le combat فلا يجوز نحن نكومبا شرع الإسلام هكذا سي سي صراط مستقيم سي صراط مستقيم تا باغا سويف تاهوا توت سي سونتونس ك الله سبحانه وتعالى إلى سيتي في القرآن أو لو بروفيت في السنة سي بور تون بيان أيها المسلم سي بور تون بيان لا تغتر بالكفار كخوا با كفار سكي ديز فون دير لا سي دي باربا سي دي كذا والله سيت لابيداسيون إلى آخر سي إلي أبليكي سي أون نعمة بور توا إي بور لي زوطخ سي أون نعمة بور توا إي بور لي زوطخ نعمة بور توا أن سي تا غليسي أن جور Ça arrive, on est des êtres humains. Un jour, une personne fait zina. Si la sentence est appliquée sur lui, wallahi, c'est une rahma pour lui. Celui qui comprend mal et qui est omiddin, c'est une rahma pour lui. Les anna yomuddin, que tu récites tous les jours à Yuhal Muslim, tu auras des comptes à rendre sur ce zina que tu as fait. Ou sur ce khamr que tu as bu. Tu auras tes comptes à rendre. Si Allah veut te pardonner, s'il veut te châtier. La kidanta, tu ne sais pas. Si on applique la peine sur toi, Wallahi, c'est une rahma pour toi. Il y en a sept peines. Comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une kafara pour toi. Yom al-Qiyamah, ce péché, c'est comme si tu ne l'avais pas fait. Il y en a, tu as payé cette dunya. Amma al-an, on dit, al-kafir, il dit, c'est une barbarie. Yom al-Qiyamah, enta, si tu as fait ce péché, le kafir, il ne sera d'aucune utilité. Abadam. Kadalik, c'est une rahma pour les autres. Andor al-an, bilad al-kuffar. Vu qu'ils ont inventé leur liberté, qu'il n'y a pas de limite, ils ne savent pas trop comment faire. Ils vivent dans un dek, l'ail nahar. Hada, il fait zina avec elle. Hada, elle fait zina avec lui. Hada, kada. Hada, il boit de l'alcool. Il peut tuer une famille entière. Hada, il prend de la drogue. Il va dans un collège. Il abat des innocents. Wa hakada. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hudoud. Il n'y a pas de hudoud. Le faible, il se fait manger par le fort. Et la majorité, elle mange la minorité. Hakada. Ils n'ont aucune limite. Wa al-iyadu billah. Amma, avec ses hudoud, abadan. Un, il vole et il se fait couper la main et tu verras. Un, il boit, il fait quelque chose et il se fait fouetter en public. Tu verras s'il va reboire. Le sort, il va diminuer. Amma, il fait un braquage, il fait 2 mois de prison, il sort, il est encore pire. Ah, là, c'est pas min shari'atillah, abadan. Et ils le savent. Ils le savent. Très bien. Wallah, hatta des sondages qui propagent, ils le savent très bien. Anna, le pays où il y a le moins de fawda, le moins de meurtres, al-mamlaka al-arabiya al-saoudia, ils le savent très bien. Lakin, kama ta'lamoun, le kibr d'admettre, khasatan al-yahoud, ils ont le kibr. Et les musulmans, les pauvres, ils se font avoir. Pourquoi? Wallahi, parce qu'ils n'ont pas compris maliki yawmiddin. Et ils n'ont pas compris ihdina as-sirat al-mustaqim. Al-an-nahnu, si on demande à un musulman, matalan, est-ce que al-sharia, toutes les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrées dans le Coran, si on lui dit est-ce que c'est min sirat al-mustaqim, il a deux cas. Imma, il répond oui. Liana, c'est wadih dans le Coran. C'est clair, personne ne peut nier les versets. Imma, il va dire non. S'il dit non, c'est grave. Liana, s'il dit non, c'est comme si ce Coran c'est pas sirat al-mustaqim. Et celui qui croit que le Coran c'est pas sirat al-mustaqim, la shak fi kufr. S'il est ala ilm ila akhir, la shak fi kufr. Lakin, nahnu, on ne dit pas que بعض الجهال c'est des kuffar. Non, liana, ils sont ala jahl. Et ils ont des choubah. Lakin, ça vous montre la gravité de le mawdou. As-sirat al-mustaqim, ça englobe din kulli. Dans Sirat Mustaqim, il y a le hudoud, tu le veuilles ou non. On n'a pas le droit de suivre notre hawa. Là, c'est un khair, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé, c'est un khair pour nous. Ça ne serait pas haq, le prophète sallam, il ne l'aurait jamais appliqué. Il faut faire attention, yo, al-muslimoun, al-an, le combat qui. Al-kuffar, il combat l'islam, khasatan al-sharia. Crois pas que c'est hakada, c'est simple. Crois pas que tu dis, c'est vrai, c'est de la barbarie, hakada. Ma yalfidu min qawlin, illa ladayhi raqibun atid. Le kalam que tu as dit, c'est de la barbarie. Il faut changer hada. C'est contre l'insaniya. C'est contre les droits de l'homme. Crois pas que hada le kalam hakada. Anta, si tu es un musulman, pense à Yawmuddin. Tu le sais tous les jours. Maliki Yawmuddin, Maliki Yawmuddin. Pense à Siyom. Anna Siyom, même un kalam que tu prononces, il est enregistré. Et ce kalam, c'est de la barbarie. C'est grave. Comment tu peux qualifier la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala barbarie? Comment? Pourquoi tu récites le Fatiha si c'est de la barbarie? Lakin al-jahl. Al-jahl et le kuffar, ils les ont bien travaillé fi hada al-janib. Qala kama anna fi muqaddimati al-mubtadi'a an-nasara wa li hada yaqul ba'd as-salaf man dhalla min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahud wa man dhalla min 'ibadina fa fihi shabahun min an-nasara. جاء هذا الأثر عن سفيان رحمه الله سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري ينظر سأثر إليه فوندي سور لو ديرني فيرسي دو الفاتحة من ظل من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن اليهود خالف على علم غير المغضوب عليهم الله إلا كل كونترول لأنهم إذا خالف على علم عليكم السلام فالسلبي كدو علم يكابليك باس علم أو يكون باس علم أو إلا تخبرت سو علم سا فاسون. Il a une ressemblance avec les Yahoud. قال ومن ظل من عبادنا ففيه شبه من النصارى من النصارى. Ah bah celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm, il a une ressemblance avec les Nasara. Ça te montre ce athar أن المسلم il doit rassembler l'ilm et l'amal. قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله. فالشك عمل أنت tu dois être précédé par ilm. Tu veux faire salat, tu dois apprendre comment faire l'udu. Après tu fais l'udu. Tu dois apprendre comment faire le salat. Je fais le takbir, je lève les mains, je récite quoi. Tu dois apprendre tout ça et t'amal. Amma hakada tu fonces. Bila ilm, t'inventeras des choses. Ou t'enlèveras des choses. Ressemblance avec Nasara. Amma tu sais comment faire salade. Et tu ne la fais pas. Shabahun bil yahoud. Le musulman d'aïman, ilm ou amal. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان il est fondé sur العلم كما تعلمون. L'être humain il est en perdition إلا ceux qui خالف اليهود والنصارى العلم والعمل. Autant qu'il peut. Autant qu'il peut. Et dès qu'il a une faiblesse, at-tawbah. Dès qu'il ne sait pas, il demande. Une personne, elle peut dire beaucoup de choses, on ne sait pas. Sahih, il y a des choses, on ne sait pas. Lakin, tu as toujours une solution, ya akhi. Si tu te trompes, at-tawbah, reviens au haq. Je me suis trompé. J'ai pensé que c'était ça. Astaghfirullah. Et reviens au dali. Tu peux avoir un autre cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le haq, je ne sais pas. Je dois faire ce amal. Fas'alu ahl al-dhikr. Demande. Demande. Amma, là, on s'entête dans notre égarement. Wal-iyadu billah. Et j'adore Allah. Aucune preuve. Ya akhi, fais attention. La personne, il continue. Hada, il est à la khatar. قال في الواقع أن هذه سورة عظيمة وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة صحيح أما الآن نحن cette introduction de Cheikh Fawzan il t'a donné une image globale فقط il t'a montré أن cette سورة elle est fondée الآن sur trois choses التوحيد الحمد لله رب العالمين وربوبية الرحمن الرحيم أسماء وصفات مالك يوم الدين كذلك إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية تسا الآن لا موتي ذا سورة التوحيد ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآن في هذا الفصل Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala as-sirat al-mustaqim. Enfin, tu dois savoir c'est quoi as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, c'est l'islam al-haq. C'est l'islam qui est fondé sur le kitab et le sunnah. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Tu fais autant que tu peux et tasta'in billah. Et à la fin, al-wala ou al-bara. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Ça te montre, si tu as compris, Anna, le verset Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin, c'est sur l'yahoud ou al-nasara, ça te montre que le muslim doit détester haoula. Si tu demandes de ne pas leur ressembler et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de leur chemin et la akhirah, c'est que tu les détestes et que c'est qu'ils sont à la batil. Il récite le verset et il dit les Yahoud ils sont à la haq. Tu n'as pas le droit de dire que c'est un kafir. Tu dois le respecter. À la fin, il conclut c'est des croyants. C'est des croyants. On est des croyants, c'est des croyants. Dis pas que c'est un kafir. Pourquoi tu récites Ghayr al-Maghdoub alayhim wa al-Dallim ? C'est qui le Maghdoub alayhim ? Al-An, si on lui demande c'est qui le Maghdoub alayhim ? C'est pas le musulman. C'est pas le chrétien, c'est pas le juif, c'est qui ? Il y a bien quelqu'un, Léana, tu prétends une chose. Ghayr al-Maghdoub, il y a quelqu'un qu'Allah il a encore accordé, c'est qui ? T'as pas le droit d'inventer. Léana t'a dit juste avant, il était la Sirat Mustaqim. Tu dois revenir Sirat Mustaqim et comprendre c'est qui Ghayr al-Maghdoub alayhim. Et tu verras que tafsir al-Salaf, comme a fait tafsir ibn Kathir, tu verras que al-Sahaba, wa man ba'dahum, il fassir l'ayah avec les Yahoud ou al-Nasara. T'as pas le droit de t'khalif. Wa man yushaqiq al-Rasoul, min ba'di ma tabayyana lahu al-Huda. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا تطلع أمود خالف لأن الفرس اللي دسون جاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكسبلكي أنت تفني 15 سنة après tu dois suivre فقط أما inventer un tafsir on n'a pas besoin de ton tafsir أبدا لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم الدين الكامل كامل فتتعجب يغسل الفرس مثلا أيدي لا tu peux pas dire que c'est que ça. Vous savez limada? Léana, il a délaissé le Coran, il a délaissé la Sunna, et il comprend le verset avec les droits de l'homme. Ou avec la laïcité, ou avec la république, ou avec هذه الضلالات. كذلك, le verset il te montre, et c'est ce qu'on a cité, la personne, il doit détester هؤلاء في الله. الله سبحانه وتعالى وصفهم كما في سورة البينة بأنهم شر البرية أي سي لا بيغ دي كرياتور القرآن إلي واضح ceux qui se font du mal من الجهال ومن الضلال c'est que ils patient pas فقط il croit que s'il dit اليهود والنصارى c'est des ضلال il croit qu'il va être qualifié de كذا كذا il a pas de صبر أما القرآن إلي واضح لهذا تتخوف يدي مخطط الآن بعض الناس من الكفار إلى آخره ils essayent de changer certains versets du Coran حتى بعضهم ils ont clarifié ce verset ça serait mieux de l'enlever il n'est pas adaptable à la période qu'on vit لأن هو il sait qu'il y a شر البرية c'est clair il sait que la pire des créatures c'est écrit dans le Coran qu'il le veuille ou non il le sait il sait qu'interpréter ça c'est difficile tu ne peux pas interpréter la pire des créatures par une bonne créature tu ne peux pas إلا عند الحمقى أما عند العقلاء tu ne peux pas tout ça يا جماعة c'est بسبب الجهل ils auraient lu cette muqaddima فقط cette muqaddima avec ces petites fawa'id elles sont courtes sur le papier elles sont عظيمة في المعنى ils auraient stafet jiddan lakin sallallahu subhanahu wa ta'ala la afia fa fil haqiqa comme قال شيخ الفوزان cette sourate c'est une sourate عظيمه lakin wallahi c'est une hujja imma pour toi imma contre toi yom qiyamah yana tu la lis. T'es obligé de chercher à la comprendre. Ça suffit pas, je sais pas, je sais pas. Là, si t'as les moyens, je sais pas, ça suffit pas, indallah. Si t'as pas les moyens, c'est autre chose. Lakin, si t'as les moyens de lire, de comprendre et l'akhirah, cette surah, elle est azima. Lakin, i'lam ayyuhal muslim, c'est une hujja pour toi ou contre toi. Elle est pour toi si t'appliques le tawhid, t'appliques les premiers versets, t'adores Allah seul, tu crois que c'est ton Rabb, et tu crois en ses noms et attributs, et tu l'adores seul, c'est une hujja pour toi. كذلك تسوي صراط مستقيم تدتست الكفرة إلى آخر سن حجة pour toi يوم القيامة تلا لو بإذن الله عز وجل ça sera une حجة pour toi. أما la personne qui la lit tous les jours 17 fois par jour على الأقل au minimum s'il fait que le فرائد إلا خالف يوم القيامة يخشى عليه. قال عيسى عليه السلام القرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما c'est pour toi, يعني ça va être utile في الدنيا. Et Yawm al-Qiyamah, tu l'as lu, tu as cru et tu as appliqué, il mène hujja contre toi. Ça, ayyuh al-Muslim, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, t'en es où par rapport à cette sourate? T'en es où? Tous les jours, on récite et dénonce surat mustaqim. Pose-toi la question, est-ce que moi je suis où par rapport à surat mustaqim? L'essentiel, c'est toi, akhi. C'est ça. La yafa'uk fulana ou pas fulana ou fulani va dire ou. Ça va être aucune utilité, hada. Regarde-toi. Je suis où par rapport à Surat Mustaqim? J'en suis où? Ils sont où mes enfants? Allez, où ma famille? Moi, je suis où? Et hakada ta voix. Et tu te rectifies jour après jour. Amma hakada al-qil wal-qal, ils vont dire, ils vont faire, ila akhirah, et yam fa'ouk. I'lam, wa anta ta'lam, anna Allah c'est Rabb al-alamin. Je le récite, Alhamdulillah Rabb al-alamin. Fa, crois pas que les kuffars, les yahoud, les nasara, wa fulan, ils ont quelque chose à te donner ou à t'enlever. Abadan. أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم هذه السورة والعمل بها, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.